En cette semaine de Salon de l'agriculture, nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce secteur ô combien florissant qu'est le bio. Aujourd'hui, près de 3 personnes sur 4 en France consomment au moins un produit bio par mois, 12% tous les jours. L'agriculture biologique représente près de 7% des terres cultivées de notre pays et le marché, plus de 8 milliards d'euros en hausse de 15% par an. Mais qui dit bio ne dit pas, contrairement aux idées reçues, absence totale de produits phytosanitaires. Alors si une majeure partie de la population s'accorde sur la nécessité de réduire l'emploi de ces produits chimiques dans l'agriculture, le bio est-il pour autant la réponse à tout? Le débat fait rage. Agriculture biologique, le champ de bataille, c'est le programme naturel qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher d'y voir clair sur l'agriculture biologique et examiner sereinement ce que la littérature scientifique en dit aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Nehm. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur et professeur en agronomie à Bordeaux Sciences Agro et Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agroéconomiste, professeur honoraire à AgroParisTech. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours via votre mode d'écoute favori sur les ondes en replay sur franceculture.fr ou en podcast, mais comme chaque jour en complément en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, eh bien, on va, comme chaque jour, remonter le temps pour commencer cette émission jusqu'à la moitié du siècle précédent, lorsque les progrès à marche forcée de l'industrie chimique ouvraient une nouvelle ère de l'agriculture, celle de la généralisation des produits phytosanitaires, avec en l'occurrence un nouvel insecticide révolutionnaire, le dichlorodiphényl trichloroéthane, appelé aussi DDT. Écoutez, nous sommes en 1951. La lutte chimique consiste dans l'utilisation rationnelle de composés chimiques d'origine minérale ou organique, dénommés insecticides, pour détruire les insectes nuisibles. Cette application de la science a considérablement évolué depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis la dernière guerre mondiale, par la mise au point récente de toute une série de composés organiques de synthèse nouveaux, dont le type est le DDT. Comme nous l'avons vu dans une précédente conférence, les insecticides agissent sur les insectes, soit par ingestion, soit par contact, soit par voie respiratoire. Mais certains composés sont susceptibles d'avoir une action multiple. Les insecticides d'ingestion, dont le type est constitué par les composés arsenicaux, ne déterminent la mort des insectes que s'ils sont absorbés avec leur nourriture. Leur emploi s'est donc généralisé pour lutter contre la plupart des espèces phytophages, telles que les chenilles de lépidoptère, les larves et beaucoup d'adultes de coléoptères, tels que le doryphore de la pomme de terre, et les acridiens migrateurs, qui sont très sensibles à leur action. En dehors de leur toxicité vis-à-vis des insectes, les insecticides d'ingestion doivent présenter certaines autres qualités essentielles, dont les principales sont leur innocuité totale ou très limitée vis-à-vis de l'homme, des animaux domestiques, et aussi leur faible pouvoir phytocide. On entend par pouvoir phytocide une action sur les végétaux vivants provoquant des altérations d'organes. Voilà, Serge Balachowski, c'était un extrait de la lutte chimique contre les insectes nuisibles diffusée dans l'heure de la culture française. Une réaction peut-être à cette archive, Marc Dufumier. Est-ce que finalement la science n'a pas été le premier ennemi d'une agriculture responsable? Non, je pense que c'est... au contraire, des gens qui ont opposé un peu le chimique au naturel, alors qu'il existe de la biochimie, hein, ne l'oublions pas. Mais c'est vrai que l'agriculture biologique est venue un petit peu, est née très tôt, en opposition à une crainte, effectivement, que la chimie de synthèse puisse être dommageable. Voilà. Thomas Nehm. Oui, l'extrait qu'on vient d'entendre est intéressant parce qu'il montre bien une espèce de période de croissance et de croyance un peu dans un progrès technologique qui mènerait toutes les solutions aux problèmes agricoles et qui fait mention de l'absence de problèmes de pollution, d'innocuité totale vis-à-vis des humains, etc. On voit bien qu'en fait, il s'agit d'une forme de connaissance qui va être largement battue en brèche par la suite. C'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début, hein, justement, enfin, c'est l'explosion de cette industrie agrochimique dont on dit aujourd'hui et dont on constate qu'elle a tout de même fait énormément de mal à l'agriculture, énormément de mal au sol, qu'elle a été finalement peut-être plus délétère, qu'elle n'a été constructive. Qu'en pensez-vous, Marc Dufumier? Ah ben, il y a des formes d'agriculture que je qualifierais volontiers d'industrielles. Alors effectivement, avec l'emploi de produits chimiques, c'est à la fois les engrais de synthèse, mais c'est surtout les produits pesticides, hein, alors acaricides, nématicides, herbicides, fongicides et autres, qui aujourd'hui pose des problèmes. L'agriculture, d'une façon générale, c'est comme une façon d'aménager des écosystèmes agricoles pour des fins productives. C'est en règle générale donc une artificialisation et même une simplification et donc une fragilisation. Mais dans cette fragilisation des agroécosystèmes, l'emploi effectivement de produits en cides destinés à éradiquer les ravageurs, à éradiquer les agents pathogènes, ont fragilisé considérablement ces agroécosystèmes. Tous les écologues vous diront qu'un écosystème extrêmement simplifié est le plus fragile. Un champ de blé sans coquelicots, sans rien, est un champ d'une extrême fragilité. Maintenant, il y a d'autres effets qui seront la motorisation, la mécanisation sur le labour des sols. Et l'augmentation des rendements dont on va parler évidemment pour la mettre en regard. L'accroissement des rendements bruts, oui. Sûr, là, pas forcément de la valeur ajoutée, on en reparlera. C'est le thème de cette émission. Justement, à partir de quand commence à naître l'agriculture biologique? Quand est-ce qu'elle finit par s'implanter comme une alternative à l'agriculture intensive du modèle post-seconde guerre mondiale, Thomas Nehm? En fait, l'agriculture biologique, elle va naître assez tôt, au début du XXe siècle, dans la tête de plusieurs penseurs. C'est Rudolf Steiner en Allemagne, c'est Albert Howard au Royaume-Uni, c'est Hans-Peter Rüsch, et également au Japon avec Fukuoka. Donc c'est des penseurs qui vont émettre des principes autour de l'agriculture biologique, de la biodynamie, de l'agrobiologie, enfin il y a différents termes qui existent. Et puis c'est surtout après la guerre, pendant la période d'après-guerre, enfin et surtout après-guerre surtout, donc dans les années 50-60, que l'agriculture biologique va se développer fortement, en réaction à une forme de critique du progrès technique, d'une part, et aussi de critique de la chimisation, entre guillemets, de l'agriculture. Le groupement d'agriculture biologique de l'Ouest, le GABO, né en 1958, il deviendra la FAB en 61. La Fédération nationale d'agriculture biologique est créée en 1978. Mais finalement, aujourd'hui, le boom de production que je décrivais dans cette introduction, il est très récent. Il se calcule en quelques années, Marc Dufumier. Oui, il est très récent. Hein, le mouvement d'agriculture biologique était porté par des marques, on va dire, de Demeter, Nature et Progrès et autres. Et c'était à l'époque d'ailleurs des labels privés. Je crois que pour assurer le consommateur, ils ont eu besoin de reconnaissance publique, ensuite un label public, qui est un label européen. Et progressivement, je dirais, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le rôle des perturbateurs endocriniens, sur les antibiorésistants, sur quelques craintes qu'on a pour notre alimentation, un grand nombre de consommateurs aujourd'hui commencent à changer dans leur consommation. On découvre que c'est pas seulement d'ailleurs le passage de produits issus de l'agriculture industrielle à des produits bio, mais c'est des gens qui ont tendance éventuellement à consommer moins de viande, plus de légumes secs. Ce sont ces gens-là qui effectivement sont à l'origine d'une croissance de la consommation bio à deux chiffres par an. Et en réponse évidemment à cette demande du marché, sachez que c'est les importations qui ont d'abord répondu, et ben effectivement, y compris les politiques ont été un peu contraints de se dire mais peut-être qu'il faut quand même aider à la conversion. J'aime pas beaucoup le mot conversion, ça fait très religieux, je vous le dis tout de suite, mais ce passage au bio, aujourd'hui on est en train de découvrir, ben oui, on est en train de perdre des parts de marché dans la France des mille terroirs pour des produits de qualité, alors qu'on continue parfois d'essayer de vendre à l'étranger des produits bas de gamme pour lesquels nos agriculteurs sont subventionnés. On découvre peut-être qu'il y a eu aussi une belle erreur économique dans cette défense de l'agriculture industrielle, très haut rendement, mais pas forcément haute valeur ajoutée à l'hectare. Quels sont les chiffres dont on dispose aujourd'hui, Thomas Nehm, sur la part du bio, autant sur les terres cultivables que dans le marché que ça représente? C'est colossal, hein, je le disais, 8 milliards d'euros par an, en augmentation de 15% tous les ans, c'est assez vertigineux. Oui, effectivement, c'est un marché qui est en pleine croissance du point de vue de la consommation alimentaire. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Amérique du Nord. C'est peut-être un peu moins vrai ailleurs dans le monde. Mais on a clairement un marché qui est en pleine croissance. Et puis, on a une production agricole qui croît, alors qui croît peut-être un peu moins vite que la demande alimentaire. Ce qui est, d'une certaine façon, une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Ça veut dire que la demande est un peu supérieure à l'offre, donc les prix sont maintenus. Mais on a globalement des surfaces en agriculture biologique qui croissent chaque année d'à peu près 10% en France. Donc c'est quand même un secteur qui se développe très fortement. Dans le monde, enfin, l'agriculture biologique aujourd'hui, ça représente à peu près 7% de la surface agricole utile en France, c'est 6% à peu près en Europe. C'est à peu près la même chose aux États-Unis. Si on regarde les données à l'échelle mondiale, on a par contre un petit peu plus de 1%, 1,2% de la surface agricole utile qui est conduite en agriculture biologique. en agriculture biologique certifiée. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, on va parler, bien sûr, sur ce que c'est et ce que regroupe cette appellation agriculture biologique. Marc Dufumier, sur ces chiffres en règle générale, vous voulez peut-être en ajouter quelques-uns ? Non, je partage complètement ce qui a été dit. C'est en vogue. Et je pense pour deux raisons. Mais d'abord, la qualité sanitaire des aliments. Et en deuxième, quand même, la protection de l'environnement. On voit que finalement, cette sortie des magasins spécialisés, elle s'est faite il y a assez peu de temps. L'agriculture, les produits, la disponibilité des produits biologiques en supermarché est bien supérieure à ce qu'elle n'était il y a même 5 ou 10 ans. Et on arrive du coup aujourd'hui à un phénomène paradoxal que j'aimerais vous soumettre, puisque c'est assez récent. La FNAB, donc la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, appelle la France et l'Europe à barrer la route à l'industrialisation des élevages biologiques. Notamment, on parle d'exploitation de poules pondeuses qui montent jusqu'à 15 000. Est-ce que justement cet appât du chiffre, du marché que ça représente, n'est pas en train de créer un peu un monstre de Frankenstein, Marc Dufumier ? Oui, disons, il y avait des labels privés autrefois, c'est devenu un label public français. Et quand on a uniformisé à l'échelle de l'Europe, pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, c'est vrai que le cahier des charges, puisque l'agriculture labellisée bio, c'est celle qui répond à un cahier des charges, a été quand même un peu revu à la baisse, et en particulier sur la taille des élevages. Et alors c'est amusant parce que les Français sont très préoccupés par la taille des élevages et les Allemands sont très préoccupés par le bien-être animal et chacun reproche à l'autre d'avoir été à l'origine de la baisse pour des raisons différentes. Donc c'est vrai que quand on uniformise à l'échelle européenne un cahier des charges, souvent il y a quand même une révision à la baisse pour que les moins avancés puissent quand même pouvoir s'inscrire dans le mouvement. Monter dans le wagon. Une réaction à ce communiqué de la FNAB, Thomas Nem ? Non, en fait, ce communiqué, il évoque, sans le nommer, ce qu'on appelle quelquefois la conventionnalisation ou le risque de conventionnalisation de l'agriculture biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée-là ? C'est l'idée qu'on oppose agriculture biologique et agriculture non biologique, et cette agriculture non biologique, c'est ce qu'on va qualifier d'agriculture conventionnelle. Et dans le risque de conventionnalisation de l'agriculture biologique, c'est en fait l'idée que l'agriculture biologique pourrait, à travers ses pratiques, d'industrialisation de ces processus de production, par exemple, se rapprocher d'une forme d'agriculture conventionnelle. Et effectivement, c'est un danger qui peut guetter l'agriculture biologique. Si elle se rapproche de l'agriculture conventionnelle, c'est un mauvais signe pour les consommateurs qui risquent de ne plus vraiment savoir comment s'y retrouver. Une question également pour conclure un peu sur ces chiffres et sur ce marché. Le coût des produits bio, il est aujourd'hui encore très largement supérieur au coût des produits traditionnels. Et qui est gagnant là-dedans ? Ce sont les exploitants agricoles, Marc Dufumier ? Alors, le coût pour le consommateur, c'est le prix du produit bio, et je pense que c'est le marché. Effectivement, tant que la demande est supérieure à l'offre, les producteurs bio pourront être à peu près assurés d'être correctement rémunérés. Mais est-ce que ce surcoût, il va dans la poche des producteurs bio ? C'est ça ma question. Tout dépend effectivement maintenant des produits, mais il est clair que le bio, on parlait de conventionnalisation, je parlais moins un petit peu d'industrialisation. Il est clair que l'agriculture bio, avec son cahier des charges, dans pour un très grand nombre de productions, impose quand même un peu un caractère artisanal, un surcroît de travail, et donc doit être nécessairement payé plus cher pour les producteurs. Même si, il y a de beaux contre-exemples, vous prenez un élevage laitier à l'herbage en Bretagne, figurez-vous que même s'il n'y avait pas la prime bio, enfin le fait qu'on paye plus cher un produit labellisé bio, sachez que déjà c'est plus rentable, un élevage laitier en Bretagne à l'herbage bio, même sans la surprime, est plus rentable déjà qu'un élevage dit conventionnel avec le maïs et le tourteau de soja importé des États-Unis. Donc attention, c'est pas toujours plus coûteux pour le producteur, tout dépend des productions. Mais plus c'est artisanal, plus ça exige de l'emploi, plus l'agriculteur doit être correctement rémunéré. Maintenant, les grandes surfaces, elles ont compris le marché, ont compris qu'il y avait une demande, et elles peuvent se faire une marge, vous l'avez compris. Confortable. Ça, parce que je cite une étude que vous connaissez certainement de l'UFC Que Choisir en 2017, qui montre que le prix du bio est 79% plus cher que son équivalent en agriculture conventionnelle, et que sur ces 79% plus chers, 50% donc la moitié du surcoût provient des surmarges réalisées par les grandes surfaces. C'est-à-dire que finalement, ça ne retourne pas tout à fait aux producteurs et à l'origine, à la source, Thomas Nem. Effectivement, ce qu'on observe en grande surface, c'est que le prix des produits bio est bien supérieur au prix des produits conventionnels, et une partie de ce surcoût s'explique par des coûts de production qui sont plus élevés pour les produits biologiques, mais aussi par des marges plus élevées que se font les entreprises de grande distribution. Alors cette étude de l'UFC Que Choisir, elle avait été un petit peu critiquée néanmoins parce qu'il faudrait comparer les prix des produits bio au prix conventionnel selon la façon dont on achète les produits. Or, ce qui caractérise les produits bio, c'est qu'ils s'achètent plus souvent dans des magasins spécialisés et plus souvent également en circuit court qu'en circuit plus long, en circuit plus classique. Et de ce fait, le différentiel de prix n'est pas nécessairement aussi fort quand on compare un produit bio acheté en circuit court à un produit conventionnel acheté en circuit long. Voilà. Ce que je voudrais également nuancer un peu dans cette comparaison, c'est le fait que quand on compare des prix, il faut savoir également ce que désignent ces prix. Il faut également avoir l'idée que ces prix englobent des coûts de production, mais ils englobent également des coûts qui sont payés par la société et qui sont compris ou pas dans le prix. C'est-à-dire que quand on va dégrader de la biodiversité, quand on va polluer les sols, quand on va émettre des gaz à effet de serre, tout ça, ça aura des coûts pour la société qui ne sont pas reflétés dans le prix d'achat du produit. Et donc, si on a un mode de production qui protège mieux la biodiversité, qui protège mieux les sols, qui émet moins de gaz à effet de serre, voilà, on peut se demander si le prix est le bon indicateur pour évaluer les produits. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de l'agriculture biologique aujourd'hui en compagnie de Thomas Nehm et de Marc Dufumier. Peut-être un point alors sur la nature de ce que décrit ce label bio aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire bio, Marc Dufumier, concrètement, scientifiquement ? Ça correspond à quoi ? C'est une agriculture qui répond à un cahier des charges. C'est pour l'essentiel une obligation de moyens. C'est-à-dire ce qui est certifié, c'est la mise en œuvre de ces moyens plus qu'une obligation de résultat, même s'il y a quelques obligations de résultat sur des traces OGM et autres. Et pour l'essentiel, pour faire simple, l'agriculture bio s'interdit les produits de synthèse, c'est-à-dire les engrais azotés de synthèse, et notamment, alors et surtout, les produits pesticides d'une façon générale. Pour autant, il y a des produits chimiques dans l'agriculture bio. Ça n'est pas une agriculture. Ce n'est pas cette espèce de pensée magique de l'idée qu'on plante une graine, ça pousse dans le sol et on n'y touche pas et hop, on obtient un fruit ou un produit à la fin. Alors, il y a des pesticides naturels, hein, qui sont pas issus de la chimie de synthèse, et il y a le soufre et le cuivre, qu'on pourrait dire, j'allais dire, des éléments minéraux, c'est comme ça qu'ils les intitulent, la bouillie bordelaise. Mais oui, le cuivre, c'est pas forcément bon pour la microbiologie des sols, et bon, c'est un des problèmes de l'agriculture biologique qui, à coup sûr, devra progresser, et tous les producteurs bio en sont conscients, progresser. D'ailleurs, la Commission européenne s'est prononcée très récemment sur une diminution de 6 à 4 kilos par an par parcelle d'utilisation du cuivre, avec évidemment dans l'objectif de réduire drastiquement son utilisation. Aujourd'hui, ce label bio, Thomas Nehm, il est unifié au niveau européen ? Oui, effectivement. Comme le Marc Dufumier l'évoquait tout à l'heure, depuis 2007, on dispose d'un cahier des charges européen qui homogénise les pratiques nationales qui existaient auparavant. La France avait un cahier des charges depuis 1981, par exemple. Et donc, depuis 2007, on a un cahier des charges européen. D'autres grandes nations ont également des cahiers des charges. Donc, c'est le cas des États-Unis, bien sûr, du Japon. On le trouve également dans un certain nombre de pays émergents. On trouve également un cahier des charges de la bio dans un certain nombre de pays d'Afrique, de l'Est. Et au total, je crois qu'il y a 87 pays dans le monde qui disposent d'une réglementation relative à l'agriculture biologique. Mais qui n'est pas unifiée au niveau international. Non. Effectivement, on a des différences entre ces cahiers des charges. Néanmoins, tous s'accordent sur le fait qu'on va exclure les intrants de synthèse, donc les produits chimiques de synthèse, les pesticides, etc. Les OGM, bien sûr, également. Mais on peut avoir des petites différences. Dans certains cahiers des charges, on va mettre en avant le fait qu'il faut contrôler les pratiques d'irrigation. Dans d'autres, on va dire qu'il faut favoriser l'agroforesterie, etc. Mais on a aussi une reconnaissance mutuelle de ces cahiers des charges. Ce qui fait que quand on importe un produit américain qui est certifié par l'USDA, il peut être vendu dans un circuit bio en France parce qu'il a la reconnaissance mutuelle. C'est ça, c'était la question suivante que je voulais vous poser. Aujourd'hui, quand je me rends, que j'achète un produit bio, même s'il est importé, je suis assuré qu'il correspond au cahier des charges, à la norme à minima européenne. On va dire à peu près, oui. Hein, c'est-à-dire que, après, y compris au sein même de l'Union européenne, où il y a un cahier des charges unique, les modalités de certification, la rigueur avec laquelle c'est fait, n'est pas exactement la même selon tous les pays. Donc, on n'a jamais la certitude. C'est-à-dire on dit souvent, hein, on met souvent en avant l'Espagne, pour être très clair, ou la certification des produits bio ne se serait... Enfin, il peut y avoir des certificateurs français, Ecocert peut aller en Espagne, hein, soyons clairs, hein, et vérifier si ça correspond bien au cahier des charges. Mais globalement, un consommateur qui consomme des produits bio peut être à peu près assuré, effectivement, que par exemple, les teneurs en résidus pesticides est nettement moindre, quoi. Hein. Donc, je veux dire, ces différences-là, ces hétérogénéités-là ne doivent pas dissuader le consommateur d'acheter bio, même quand c'est importé. Le cahier des charges européen aujourd'hui, Marc Dufumier, il est souple, il est strict, vous le qualifieriez comment ? Alors non, le cahier des charges, lui, ça s'appelle strict, hein, c'est un cahier des charges. Oui, non, mais je veux dire, par rapport aux exigences d'une agriculture biologique qui valoriserait l'écosystème, par rapport à des exigences environnementales, est-ce que c'est un cahier des charges, on a entendu tout à l'heure, hein, qui permet des exploitations jusqu'à 15 000 poules pondeuses, est-ce qu'à votre avis, il est un peu trop souple, ou au contraire, est-ce qu'il correct selon votre clairement, opinion peut progresser. Hein. Voilà. Pour progresser, on a déjà parlé du cuivre et du soufre tout à l'heure. Effectivement, la taille des élevages peut être un réel problème, les conditions d'élevage en particulier. À mon avis, ce cahier des charges va devoir progresser. On espérait, au moment de la révision de ce cahier des charges à l'échelle européenne, là, tout récemment... Le 31 janvier 2018. On a craint, y compris le pire, hein, une révision à la baisse. 2019, pardon. Mais oui, non, il doit progresser encore, ce cahier des charges. La plupart des producteurs bio en sont parfaitement conscients. Mais quand... il faudrait notamment pouvoir éviter tout produit en CID, hein, pesticides, c'est-à-dire que désormais le vrai défi c'est ne pas tuer le ravageur, ne pas tuer l'agent pathogène, mais vivre avec en minorant les proliférations, en minorant les ravages, et ça devient très savant, hein. Ça devient très savant. C'est une biodiversité à l'échelle de l'agroécosystème. Là oui, l'agriculture biologique, c'est quand même celle qui a déjà le plus progressé, mais peut progresser encore. Thomas Nem, qu'en pensez-vous ? Oui, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ce cahier des charges, c'est que derrière le cahier des charges, il y a également des fédérations d'agriculteurs biologiques. Il y a notamment la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique qui définit également ce qu'est l'agriculture biologique. Et l'IFOAM, donc la Fédération internationale de l'agriculture biologique, définit l'agriculture biologique comme fondée sur quatre principes. Il y a un principe de santé, santé humaine, mais aussi santé des animaux, santé des plantes, santé des écosystèmes. Un principe d'écologie, recycler la matière, boucler les cycles, s'appuyer sur les régulations naturelles, enfin toute la dimension scientifique que Marc Dufumier évoquait à l'instant. Un principe d'équité, notamment de partage dans la filière, mais aussi d'équité vis-à-vis des animaux avec lesquels on travaille, et puis un principe de soins, de care. Et en fait, la révision de ces cahiers des charges est soumise, du cahier des charges européen notamment, est soumise à forte pression. On imagine bien, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, mais le fait que les mouvements de l'agriculture biologique soient fédérés et élaborer un cadre unificateur aide à exercer pression sur les pouvoirs politiques pour que les principes de base de l'agriculture biologique soient respectés. Se pose, quand on parle du bio et de la conversion au bio, le premier obstacle, ou en tout cas la première critique dont il est fait mention souvent, c'est celle du rendement. Aujourd'hui, que dit la littérature scientifique, Marc Dufumier, à ce propos ? Est-ce que passer au bio, c'est effectivement assumer une perte de rendement ? Alors la réponse est catégoriquement non, pas obligatoirement. Il y a une forme d'agriculture biologique, par exemple, où les rendements peuvent être très élevés à l'hectare, c'est la permaculture. C'est vraiment une forme d'agriculture très artisanale, manuelle. Mmh. On est plutôt dans le maraîchage, les tubercules et autres, hein, c'est pas vraiment les céréales et les grandes cultures. Mais en association une multitude d'espèces dans un même champ, en créant une multitude de micro-écosystèmes dans un même champ, on évite effectivement la prolifération d'un grand nombre de ravageurs, un grand nombre d'agents pathogènes. Tous les rayons du soleil sont utilisés pour la photosynthèse, les protéines nous viennent des légumineuses, de très très haut rendement. Dans les pays du sud, où il y a des gens qui font du bio sans que ce soit labellisé, on peut accroître d'emblée les rendements par des voies biologiques, l'agroforesterie, ces genres de choses, le rendement brut, et donc accroître la production, notamment dans les pays les plus déficitaires, hein, je pense Mali, Niger, etc., du mil et du sorgho sur des parcs de Federbia albida, c'est bio, et le rendement du mil et du sorgho est multiplié par 2 et 3. Mmh. Chez nous, dans des écosystèmes déjà détériorés, dans l'immense majorité des cas, l'agriculture biologique se traduit par un moindre rendement à l'hectare du produit brut. Je parlais de l'élevage laitier tout à l'heure, il est clair qu'un élevage laitier à l'herbage en Bretagne, on pourrait presque dire la production de lait à l'hectare est quasiment divisée par 2. La valeur ajoutée, elle, multipliée par 2. Parce que comme l'agriculture diminue les coûts en pesticides, en vaccins, en produits de synthèse et autres, le produit brut auquel vous soustriez les coûts de tous ces intrants de synthèse, c'est la valeur ajoutée, ça va être le revenu de l'agriculteur, éventuellement ce qu'il va payer pour le propriétaire, le loyer, les intérêts des emprunts, est plus forte. Et dans un pays comme la France, où on a des excédents de produits bas de gamme, produire moins, mais mieux, et avec plus de valeur ajoutée à l'hectare, c'est tout simplement génial. Mais alors, si on vous écoute, Marc Dufumier, on augmente les rendements, on augmente les revenus, finalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, 100% des agriculteurs ne passent pas au bio, Thomas Nehm ? Alors, c'est une très bonne question. si c'est aussi simple que ça, et si finalement on augmente les rendements et qu'en plus on gagne plus d'argent. Disons que je ne remettrai pas en question le fait que l'agriculture biologique soit plus intéressante économiquement pour les producteurs que ne l'est l'agriculture conventionnelle. On voit clairement que c'est une façon de réduire leurs charges, c'est une façon également d'augmenter le prix de vente de leurs produits, et donc au final, l'excédent, le résultat net, le bénéfice, appelons-le comme on veut, est positif, et plus positif en bio qu'en agriculture conventionnelle. J'ai un avis peut-être un petit peu plus nuancé sur la productivité que ce que vient d'évoquer Marc Dufumier. Peut-être parce que moi, je me suis centré dans mes travaux essentiellement sur l'agriculture biologique dans des contextes au nord, ceux que Marc Dufumier qualifiait dans des écosystèmes déjà un peu dégradés. Mais quand on regarde l'analyse de la littérature, quand on fait l'analyse de la littérature scientifique, notamment quand on regarde ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'analyses, des travaux qui font la synthèse de monographies qui ont été publiées, on voit que les rendements des cultures, notamment au nord, sont en général de l'ordre de 20 à 25% plus faibles en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Alors, comme l'évoquait Marc Dufumier, il y a une façon de réduire cet écart, notamment en ayant des rotations plus complexes en agriculture biologique, des cultures associées, des choses comme ça, qui permettent de réduire cet écart et de le ramener à 15% par exemple. Quand on va au sud, effectivement, on voit que, dans l'hémisphère sud, j'entends, on voit que les différences de productivité entre bio et conventionnel sont très faibles. Marc Dufumier. Oui, je crois que vraiment, là, sur ces questions-là, si on ne veut pas dire de bêtises, il faut vraiment distinguer. Est-ce qu'on parle de rendement brut ? Est-ce qu'on parle de valeur ajoutée ? Moi, je n'ai pas dit que ça augmentait les rendements, sauf la permaculture et dans les pays du sud aussi. Mais la valeur ajoutée à l'hectare peut être accrue avant même qu'il y ait le surprix payé aux producteurs. Productivité, maintenant, si vous parlez productivité du travail, une agriculture moins industrielle, disons plus artisanale, va exiger plus de travail. Donc la productivité du travail peut être diminuée. D'où le fait que si c'est pas mieux rémunéré, on parviendra pas à la transition vers l'agriculture biologique. Mais il faut surtout arrêter de dire « ça baisse les rendements, donc c'est pas rentable ». Non, non, le rendement brut n'est pas une façon de mesurer l'efficacité économique. Pas du tout. Si les coûts sont considérables, les coûts en intrants, plus les coûts cachés dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on paye pas le lait pas cher, mais très cher, parce qu'il faut retirer les algues vertes, on paye des impôts, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine ou de désherbant dans l'eau du robinet, ça nous coûte très cher, c'est pas dans le prix du produit. Mais soyons clairs, donc, quand on mesure l'efficacité économique de l'agriculture biologique, il faut prendre effectivement l'ensemble des coûts, les coûts monétaires pour le producteur, les coûts cachés pour le consommateur, et attention, productivité du travail et rendement à l'hectare et valeur ajoutée à l'hectare, c'est pas la même chose. Il faut chaque fois dire de quoi on parle. Eh bien alors, pour savoir exactement de quoi on parle, nous sommes allés voir exactement ce qui se passe quand on se convertit à l'agriculture biologique. Et donc concrètement, un agriculteur qui a passé son exploitation en bio. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, c'est un festival d'onomastique cette émission. Oui, c'est vrai. Vous êtes rendu en Seine-et-Marne, donc chez un agriculteur qui s'est converti il y a un peu plus de 10 ans. Oui, c'est à Aulnois, une petite commune à 4 km de Coulommiers, que j'ai rencontré Éric Gobard. Dans cette région qu'on appelle traditionnellement la Brille laitière, la production agricole était historiquement dédiée à la production de produits laitiers. Et puis, avec l'arrivée de la politique agricole commune et des intrants chimiques agricoles au début des années 60, les exploitations de la région se sont rapidement consacrées à la production de céréales et notamment de blé. Les rendements ont bien sûr augmenté, mais au prix, on le sait, d'une pollution et d'un épuisement des sols. En 2008, Éric et son épouse Anne ont donc décidé de convertir leur exploitation de 180 hectares en bio. Ce qui est intéressant, c'est que cette exploitation, qui est dans la famille depuis la fin du 19e siècle, elle a connu tout un tas de changements. Éric Gobard, il nous explique donc comment s'est passée la transition vers le bio qu'il a choisi de faire et pourquoi il est aujourd'hui convaincu que son choix était le bon. Ici, on est dans la Brille laitière. 30 à 40% de la superficie de la ferme était en pâture pour le troupeau laitier. Là, dans les années 60, on dit non, c'est plus du tout la vocation. Ici, sur les terres limoneuses, même un peu argileuses, de trucs, il faut produire en grande quantité, du blé et du maïs. Donc là, on retourne dans les années 60-70 les pâtures pour faire du blé et du maïs à outrance. Moi, je me suis converti progressivement. Je voulais faire un essai. Et alors, aujourd'hui, quand vous êtes sur une exploitation grande culture, vous avez des contrats de production. Donc, vous ne pouvez pas tout abandonner en l'espace de 3 ans. Donc là, j'ai mis la moitié de l'exploitation en bio à partir de 2008. Et très vite, quand j'ai vu que ça fonctionnait, on a fini par tout convertir. Alors la transition s'est plutôt faite en douceur. C'est assez flippant, c'est-à-dire du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans vos champs où pour vous en sortir, vous êtes obligé de jouer uniquement sur les mécanismes naturels. Vous êtes obligé, là comme ce matin, d'être sur vos champs, de savoir comment à peu près ça fonctionne, parce que vous n'avez plus l'herbicide que vous appliquez qui va supprimer les adventices. Vous êtes obligé de revenir aux fondamentaux de l'agronomie. Donc là, pour s'en sortir en agriculture biologique, on fait des rotations longues. On fait des rotations de 9 ans, c'est-à-dire pour une parcelle donnée, sur 9 ans, on va faire 6 ou 7 espèces différentes. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va semer des pois. Et alors, avant de faire des pois, finalement, il y a toute une logique agronomique. Pour une parcelle donnée, en bio, donc je vous parlais d'une rotation longue et diversifiée, on commence par 2 années de luzerne. On n'a pas le droit de mettre d'engrais chimique. Donc, tout va reposer sur les légumineuses ou les protéagineux. Les légumineuses, ce sont les plantes qui fixent naturellement l'azote de l'air. C'est-à-dire que vous avez les fameuses nodosités dans les racines qui consomment l'azote de l'air et qui les restituent au sol et à la plante. Donc là, pour une parcelle donnée, on met 2 années de luzerne. La 3e année, on fait un blé tendre. La 3e année, ici, on a les établissements de Vogel, on fait du lin textile, le bio. La 5e année, on refait un blé. Après, on refait une légumineuse, on va faire des lentilles ou des fèves. Après, on fait par exemple du grand épeautre ou du petit épeautre. Après, on va refaire une légumineuse, donc on va refaire pourquoi pas du soja et des pois. Et on finit pour nettoyer la 9e ou 10e année, on met du seigle ou du sarrasin. C'est deux plantes dites alléopathiques, c'est-à-dire qui nettoient extrêmement bien les sols. Et après, la 10e, 11e année, on repart sur de la luzerne. Donc là, on revient à une forme d'agronomie radicale et je crois qu'on redevient vraiment paysan. Ce qui est fabuleux dans l'agriculture biologique, c'est qu'on en découvre tous les jours. Finalement, là, vous avez ce beau champ qu'on va semer la semaine prochaine. Sur la planète, 70% des micro-organismes, des êtres vivants, sont dans le sol. Et finalement, on s'aperçoit, on ne sait pas trop comment il fonctionne, ce sol. Et finalement, on joue finalement sur uniquement les mécanismes naturels, l'agronomie. Et on s'aperçoit aussi, c'est que une nature, quand on la respecte, quand on joue la diversité, on s'aperçoit que le vivant aime bien tout ce qui est divers. Et donc, plus vous mettez une diversité de rotation, et ben ça fonctionne. En termes de rendement, est-ce que le passage au bio vous a fait accuser le coup un petit peu en termes économiques? Comment vous avez vécu ça? Et puis, est-ce qu'il y a eu des très nettes différences en termes de productivité, puisque c'est le modèle qui était, en tout cas, présenté comme le modèle indépassable? C'est assez difficile de comparer les deux systèmes. Par contre, on va quand même les comparer. Les premières années dans les conversions, le sol doit retrouver une certaine logique de production. Or, on s'aperçoit, les premières années en agriculture biologique sont assez délicates. C'est-à-dire, le sol, finalement, qui était habitué à recevoir des engrais, tout ce qui est écosystème qui va permettre la minéralisation des micro-organismes qui va nous produire à terme l'azote naturel de lait, et ben là on les a pas. Et donc on a une baisse de productivité. Et c'est pour ça qu'avec nos syndicats agricoles bio, on défend, il faut aider les agriculteurs qui se convertissent les 3 premières années, puisque donc il y a une baisse de productivité. Mais en plus, les 3 premières années, vous ne vendez pas sous le label bio, donc c'est-à-dire vous n'avez pas le prêt rémunérateur. Par contre, on s'aperçoit très vite, tout ce qui est culture de printemps, et on va dire les légumineuses, tout ce qui est haricots, les fèves, la luzerne, on va dire tout ce qui fixe naturellement l'azote de l'air, même le lin, la productivité est très proche du conventionnel, voire on les dépasse. Or, le blé, on a une chute, une baisse de 35 à 40% de la productivité. C'est-à-dire, un agriculteur bio, même ici sur des sols fertiles comme l'Abri, on a une baisse à peu près de 40-45% de la productivité. On s'aperçoit que produire du blé de manière bio est assez compliqué. C'est-à-dire, le sol, c'est assez exigeant. Il faut que le sol soit bien lancé. Et donc, on a une baisse de productivité. Alors, on pourrait dire, une baisse de productivité de céréales de 40, c'est quand même pas rien, mais c'est super valorisant. Et alors, aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous avez des détracteurs dans l'agriculture biologique qui vous disent on ne pourrait pas s'en sortir avec 35-40% de céréales. Ne perdez pas de vue que, de toute manière, on a, même en conventionnel, le blé, même si ça reste une culture majeure, ne peut pas être la seule culture. Donc, il faut voir la totalité. Là, on rentre dans une ancienne grange où se trouve le moulin. Et donc, c'est mon épouse qui s'occupe de cet atelier. Et donc nous produisons des farines de blé, des farines de seigle, de petit épeautre, de grand épeautre. On fournit 4 boulangeries sur Paris. Et après, on est présent dans ce qu'on appelle la grande distribution spécialisée bio. Et on vend aussi donc des sachets et depuis quelques mois aussi des biscuits. Alors, on produit des farines sur meule de pierre. Dans la logique d'une production bio, à un moment ou à un autre, il y a la dimension nutritionnelle. Donc, l'avantage de produire sur meule de pierre, vous récupérez tout le germe de blé. Et donc, on produit ce qu'on appelle des farines semi-complètes, où là, vous avez le bon son et le bon germe de blé. Une production biologique, on s'aperçoit que les choses ont plus de goût en bio. Forcément, hein, ce sont des plantes qui n'ont pas été intensifiées. Et donc, on retrouve une typicité de terroir dans tout. En céréales, c'est aussi le cas. On s'aperçoit, quand vous produisez un blé bio, et ben le blé du Santerre, le blé Beauceron, le blé Briard n'auront pas le même goût. Et alors, sur conseil de boulangers, de restaurateurs, on a fait reconnaître nos produits par le Collège culinaire de France, où aujourd'hui, vous avez des restaurants qui recherchent finalement les producteurs de qualité qui travaillent le goût des aliments. Et on s'aperçoit que même une farine bio, ben, y a une typicité du terroir. Et donc, on redécouvre vraiment le goût des choses. Ça augmente les rendements, ça augmente la productivité, ça augmente même le goût. Vous voyez, j'en perds mes mots, Marc Dufumier. C'est donc, il n'y a aucune ombre au tableau à ce point-là? Alors, le goût, qualité gustative des produits bio, les goûts, les couleurs, hein, ça dépend des gens en question. C'est plus le côté produit de saison, hein, et peu de transport pour ce qui est des vitamines et autres. Mais c'est vrai qu'un lait bio à l'herbage, par exemple, sera riche en oméga 3. Non pas tant parce qu'il est bio, mais parce qu'il est à l'herbage. Mais néanmoins, pour faire du bio, il vaut mieux le mettre à l'herbage. Donc oui, au niveau goût, il y a quand même une différence. Et puis parfois, l'agriculture biologique ressuscite des variétés anciennes qui avaient du goût, alors que l'agriculture industrielle a souvent sélectionné les plantes, non pas sur le goût, mais est-ce que ça résiste bien au transport, au stockage et ce genre de choses. Oui. Donc parfois, le goût est quand même meilleur, oui. Thomas, madame, une réaction à ce reportage? Juste pour dire que moi j'ai bien aimé le fait que l'agriculteur évoque le fait que se convertir à la bio, c'est aussi revenir aux fondamentaux de l'agronomie et donc revenir vers un savoir relatif à des systèmes complexes dans lesquels on va avoir des rotations longues, des interactions entre espèces qui vont être nombreuses, on va voir jouer avec des processus complexes de prédation, d'allélopathie, enfin voilà, des processus qui sont assez fins, assez compliqués à piloter, et donc l'agriculture biologique, c'est tout à fait l'inverse d'une agriculture qui serait traditionnelle, ancestrale, du passé en tout cas. Marc? Oui, je partage complètement l'idée de rotation longue, la présence des légumineuses, hein, pour fixer l'azote de l'air et nous éviter les engrais azotés de synthèse, les plantes nettoyantes, hein, et dans cette sarrasin, mais par exemple le chanvre dans une rotation peut aussi avoir des effets considérables, les luzernes, la prairie temporaire, enfin on peut même faire aujourd'hui du zéro labour en bio. La salade, la salade, la salade, ça rafraîchit les idées. La salade, la salade. La salade, on ne peut plus s'en passer. Effectivement, comme la méthode scientifique, on ne peut plus s'en passer. Ce sont les Parisiennes à 16h40 sur France Culture. Nous consacrons l'émission du jour à l'agriculture biologique, puisque c'est la semaine du salon de l'agriculture qui se tient tout au long de la semaine et dans laquelle vous avez retrouvé un certain nombre de vos programmes de France Culture, la grande table, le grain à moudre tout à l'heure. Nous en parlons avec Thomas Nem, qui est chercheur et professeur en agronomie à Bordeaux Sciences Agro, et avec Marc Dufumier, qui est agroéconomiste, professeur honoraire à AgroParisTech. J'aimerais qu'on dise un mot de la question des subventions, parce que on l'a entendu dans le reportage, et s'il ne faut pas confondre le rendement et la productivité, comme Marc Dufumier nous l'a dit tout à l'heure, néanmoins on assiste, et notamment pour le blé, à des baisses de rendement des parcelles agricoles. C'est pour cela qu'il y a des aides à la conversion, notamment parce que, comme on l'a entendu, pendant les deux premières années, on n'a pas encore le droit à la certification bio, et pour autant on commence à ne plus mettre d'intrants chimiques. Aujourd'hui, ces aides à la conversion, ces aides européennes, elles sont nécessaires, suffisantes, Marc Dufumier ? Alors, j'aime pas beaucoup le mot d'aide, parce que ça laisserait entendre que nos agriculteurs sont aidés, ont besoin de subventions, ce sont des mendiants. Ce qui est par ailleurs le cas, on peut aussi appeler un chat un chat. Absolument. Alors, déjà, effectivement, les deux premières années, il y a un peu de l'inexpérience, il peut y avoir des choses de ce genre. Le passage, ça a été un petit peu dit tout à l'heure dans le reportage, on flippe, je veux dire, c'est vraiment un changement radical. Dans le bio, puisque c'est un cahier des charges, c'est tout ou rien, quoi. Et le tout ou rien, ça n'aide pas à une transition progressive. Alors, oui, s'il n'y avait pas une aide, on va employer le mot, à la conversion, c'est-à-dire à ce passage-là, je crois, les conversions, le passage au bio serait très faible. Mais après, il est clair que ce qui est logique, c'est que si un bon produit, ce soit par l'acte du consommateur, le prix du produit, que l'agriculteur devrait être correctement rémunéré si en face le produit est bon. Mais du coup, comment rendre ces produits bio qui exigent quand même plus de travail, si on parle de productivité du travail, si on est clair, ça exige plus de travail, ça va être correctement rémunéré. Comment rendre accessible aux couches modestes un produit bio s'il devient plus coûteux? Alors là, très clairement, il faut que l'agriculteur soit payé autrement, mais à mon avis, c'est pour les services environnementaux. À tel endroit, il séquestre du carbone, il fabrique de l'humus, ça évite l'érosion, stabilité structurelle des sols, c'est un service d'intérêt général. On le paye. À un autre endroit, il nous met des légumineuses, ça nous évite les importations de gaz naturel russe, la fabrication d'engrais azotés de synthèse, les émissions de protoxyde d'azote. C'est un service environnemental, on le paye. Est-ce que les gouvernements sont prêts à payer et à rémunérer ce... Parce qu'on en entend parler aussi beaucoup dans cette émission, à chaque fois qu'on parle effectivement de service environnemental, d'éco-service, de le rémunérer. Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? Est-ce qu'il y a une volonté politique pour ça? Oui, il y a 9 milliards d'euros. Les subventions de la politique agricole commune, il y en a 7 milliards d'euros pour les agriculteurs français qui sont pour l'instant des aides, comme s'ils étaient des mendiants, et c'est proportionnel à la surface. Et ça, c'est 7 milliards d'euros, c'est d'impôts que nous payons déjà. Donc je ne réclame pas forcément qu'on paye plus d'impôts. Mais si nous réorienterions ces 7 milliards d'euros, on va dire du premier pilier de la PAC, de la politique agricole commune, comme on dit dans notre jargon, pour payer des services environnementaux par la voie contractuelle, tel service, est-ce que vous êtes prêts à nous le rendre? À quel prix? On vous paye. Oh, qu'est-ce que ça irait plus vite, la transition vers le bio. Parce que vous parlez de ces 7 milliards d'euros pour les agriculteurs français. En l'occurrence, j'ai trouvé un chiffre qui me paraît dérisoirement faible. J'ai lu que les aides à la conversion, plus les aides au maintien, puisqu'il existe aussi des aides au maintien, c'est sur la période 2015-2020, avec les fonds nationaux et les fonds européens, 160 millions d'euros par an. Est-ce que c'est une réalité? Ça me paraît, vous comparé à 7 milliards, c'est une goutte d'eau. Dérisoire. Et donc, il faut changer les choses, effectivement. Et aide au maintien, ça va être paiement de services environnementaux. Les gens n'auront pas besoin d'être aidés. Mais quand ils nous rendent un service, on les paye. Ils nous mettent des haies, ils réussissent des abeilles, ils réussissent des coccinelles, ils nous évitent les pesticides. Ces gens-là méritent d'être correctement rémunérés. Des gens droits dans leurs bottes, s'il vous plaît. Le 22 février, des agriculteurs bio attaquent l'État pour retard de paiement des aides. Donc, évidemment, ça ne va pas tout à fait dans le bon sens. Thomas Nem, une réaction justement à ces aides, elles sont effectivement insuffisantes. Elles devraient être plus importantes. Et il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques. Il faut enlever le soutien à l'agriculture conventionnelle pour le transférer à l'agriculture biologique, comme le suppose Marc Dufumier. Moi, je crois que ce que revendiquent avant tout les agriculteurs, c'est d'être reconnus dans leur travail et d'avoir des prix rémunérateurs de leur travail. Et notamment quand ils ont le salaire moyen des agriculteurs est très bas, 1200 euros, je crois, de moyenne par an de mémoire. Tout à fait, voilà. Je crois que c'est vraiment leur première revendication. Plutôt que de vivre de subventions, ils préfèrent vivre de la vente de leurs produits et de la reconnaissance du fait que le prix des produits reflète leur coût de production. Alors, dans les aides, vous avez évoqué donc une somme qui effectivement est très faible, qui comprend les aides nationales à la conversion et au maintien. Il faudrait rajouter le crédit d'impôt. Et puis, il y a des aides régionales qui peuvent être apportées par les régions. Mais je doute que tout cela monte le montant à des valeurs très très élevées. Alors, est-ce qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Jacques? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépollution a un coût très élevé. Dépolluer l'eau pour la rendre potable, parce qu'on a trop de nitrates, parce qu'on a trop de pesticides dedans, c'est un coût qui est très très élevé. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais à Munich, par exemple, la ville a décidé d'engager la conversion à l'agriculture biologique sur 2000 hectares qui sont situés à proximité de la ville, ce qui permet de diminuer la pollution en nitrates notamment, mais aussi en pesticides. Et le coût pour la ville est de l'ordre de 1 centime d'euro par mètre cube, alors que le coût de la dépollution de l'eau, c'est à peu près 25 centimes d'euros par mètre cube. Et donc, oui, là, on peut peut-être déshabiller Paul pour habiller Jacques. Un mot sur on va parler aussi de cette étude qui a fait pas mal de bruit sur la question des gaz à effet de serre. Un mot tout de même, j'aimerais vous entendre, Thomas Nem, sur un certain nombre de produits phytosanitaires qui sont autorisés en agriculture biologique, comme l'huile de neem ou le spinosade, et qui sont particulièrement critiqués. C'est pas parce qu'on passe en agriculture biologique qu'on n'utilise pas une nouvelle fois des produits phytosanitaires qui peuvent être dangereux. Oui, alors effectivement, la réglementation européenne de l'agriculture biologique exclut les intrants de synthèse, donc tout produit issu de synthèse. Par contre, on peut avoir des produits qui sont soit des produits minéraux, tels que le cuivre, le soufre, comme l'évoquait Marc Dufumet tout à l'heure, ou on peut également avoir des produits biologiques, c'est-à-dire extraits de plantes. On sait que certains extraits de plantes, la nicotine par exemple, peuvent avoir des effets très puissants. Alors la nicotine, heureusement, n'est plus autorisée dans le cahier des charges de la bio, depuis longtemps maintenant. Mais on peut avoir d'autres molécules qui peuvent avoir des effets très très puissants. Alors je suis pas vraiment un spécialiste de l'huile de Nîmes. Je ne savais pas comment ça. À ma connaissance, elle n'est pas autorisée par le cahier des charges européen. En tout cas, on ne la trouve pas à la vente en tant que produit phytosanitaire en Europe, mais elle peut être utilisée ailleurs dans le monde. Si on en vient aux produits minéraux, le cuivre notamment, effectivement, le cuivre, il est utilisé pour contrôler des maladies, le mildiou, la pomme de terre, de la vigne, etc. La difficulté avec le cuivre, c'est que il va se stocker dans le sol et il n'est pas dégradé. C'est pas une molécule biologique, c'est déjà un minéral. Donc il va se stocker dans le sol, il peut avoir des effets délétères pour l'activité biologique du sol, les micro-organismes, des collemboles, des vers de terre éventuellement, etc. Marc Dufumier. Oui, mais non, très clairement, le cuivre notamment, donc il est utilisé comme fongicide, j'allais dire, et si dans le sol, sachez qu'il y a des champignons qui peuvent être très utiles, qu'on appelle les champignons mycorhiziens, qui aident la plante à aller chercher des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile. En symbiose avec les racines, on en parlait il y a 15 jours ici, on va vous mettre le lien vers l'émission que nous consacrions aux champignons, et notamment à ces fameux mycorhiziens en question. Et ben, vous mettez un fongicide pour soigner votre vigne, si vous êtes en train de détruire les champignons utiles du sol, c'est pas génial. Donc oui, l'agriculture biologique peut et doit progresser et il nous faut reprendre une vision écologique, c'est-à-dire de revoir l'agroécosystème. Je pense que la discipline scientifique qui peut aider les agriculteurs en question, c'est l'agroécologie scientifique, des agroécologues qui rendent intelligible le fonctionnement de ces agroécosystèmes, de ces écosystèmes agricoles complexes. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette méta-analyse qui a été publiée l'an dernier dans Environmental Research, qui a fait grand bruit parce qu'elle disait que finalement l'agriculture biologique émettait, puisqu'elle avait besoin de plus de surface agricole et cultivable, plus de gaz à effet de serre, que c'était un surcoût pour l'agriculteur en termes de carburant et un surcoût pour l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est... Il faut prendre cette étude en considération. Là, je suis hyper prudent, parce qu'il peut y avoir des élevages en France qui utilisent très peu d'élevage, c'est l'élevage en espace confiné, qu'on dit souvent hors sol, qui exige beaucoup de surface, et c'est la déforestation de la forêt amazonienne. Est-ce que les études ont pris en compte ce qu'on appelle un peu cette déforestation importée, c'est-à-dire une déforestation qui a lieu ailleurs, et ça c'est une agriculture extensive, ce qu'on appelle un élevage intensif chez nous, est souvent une agriculture extensive, qui exige beaucoup d'extension. Par contre, qu'une agriculture qui fasse un usage intensif des rayons du soleil, énergie solaire pour fabriquer notre énergie alimentaire, comme la permaculture, pas un rayon du soleil tombe à terre. Une agriculture qui fait un usage intensif de l'azote de l'air avec des légumineuses, qui fait un usage intensif du carbone, du gaz carbonique pléthorique pour fabriquer nos hydrates de carbone, l'agriculture biologique peut être très intensive, contrairement à l'idée. Et donc dire que cette agriculture biologique nécessite nécessairement plus de surface est une aberration totale. On peut très bien produire davantage, n'oublions pas de valeur ajoutée, de création de richesse à l'hectare, en utilisant intensivement les ressources naturelles renouvelables et pléthoriques, sans les agrotoxiques et avec très peu d'énergie fossile. Arrêtons cette idée que l'agriculture biologique serait nécessairement extensive et l'agriculture industrielle serait nécessairement intensive. Thomas Lame. Oui, cette question des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture biologique, c'est en fait une question qui est complexe, avec des effets qui vont jouer dans un sens, dans un autre. On va avoir des effets positifs de l'agriculture biologique quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que on va fertiliser les sols en apportant de la matière organique, donc on va de cette façon-là stocker du carbone dans les sols, et ce carbone, en fait, il provient du CO2 atmosphérique, donc on retire du CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans les sols. Et ça, c'est notamment les prairies qui vont jouer ce rôle-là. Et les prairies, elles sont souvent fréquentes dans les rotations. On l'a vu dans l'entretien, là, le petit reportage, pardon, où on avait des luzernes qui, par exemple, étaient insérées dans les rotations. On n'utilise pas d'engrais de synthèse. Et les engrais de synthèse, ça coûte de l'énergie fossile pour être produit. On fertilise moins les sols, donc on va émettre moins de ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça va jouer en faveur de la bio. Et puis on va avoir des effets un peu plus négatifs. C'est-à-dire que on va avoir des prairies, mais les prairies, il faut les valoriser avec des ruminants, des vaches, des chèvres, des moutons. Et ces ruminants, ils ont la caractéristique d'émettre du méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre. Et puis on va avoir des rendements qui sont plus faibles, on l'évoquait un peu tout à l'heure, ce qui veut dire que pour atteindre les mêmes niveaux de production agricole, il va falloir plus de surface. La question est de savoir si les régimes alimentaires ne s'adaptent pas, et on l'a évoqué tout à l'heure, les personnes qui consomment bio consomment en général plus de légumineuses, moins de viande, et donc requièrent des surfaces mises en culture qui sont moins importantes que les personnes qui consomment peu de produits bio. On arrive dans les dernières minutes de cette émission et c'est l'heure, comme tous les mercredis, de retrouver la recherche montre en main. Voilà, tous les mercredis, nous recevons une jeune chercheuse ou un jeune chercheur qui vient nous parler de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maxime Catalonia. Bonjour. Bonjour. Vous étiez doctorant puisque vous avez soutenu brillamment votre thèse à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. C'est une thèse CIFRE financée par le département de la Drôme, rattachée à l'unité de recherche éco-développement de l'INRA d'Avignon. Le titre de vos travaux, expérimentation de pratiques agroécologiques réalisées par les agriculteurs, proposition d'un cadre d'analyse à partir du cas des grandes cultures et du maraîchage diversifié. J'en ai fini, c'est à vous. Maxime Catalonia, on vous écoute. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors l'agroécologie, c'est un paradigme qui propose de mobiliser des processus écologiques au champ en stimulant l'activité de certains organismes. Et ces organismes vont rendre des services à l'agriculteur. Par exemple, les lombriques vont creuser des galeries dans le sol que les plantes vont pouvoir emprunter, ou alors des prédateurs comme les coccinelles vont réguler les populations de pucerons. L'agriculteur, il peut alors réduire sa consommation d'intrants comme le fioul, les pesticides ou les engrais. Sur le papier, l'agroécologie, elle a donc tout pour plaire. Elle rend des services aux agriculteurs tout en permettant de réduire les impacts environnementaux. Mais en fait, son application concrète pose problème. Miser sur des processus écologiques, c'est source d'incertitude. Les connaissances scientifiques sur ces systèmes sont encore relativement lacunaires parce que les relations entre les organismes impliqués et le milieu sont complexes et difficiles à modéliser. Et en plus de ça, les pratiques sont très dépendantes des conditions locales. L'enjeu, c'est donc plus de prescrire des pratiques agroécologiques qui marchent. Elles demandent toutes, en fait, des adaptations plus ou moins importantes. Et quand les conseils techniques manquent et qu'il faut une réponse adaptée à la situation, les agriculteurs engagés dans l'agroécologie se lancent alors eux-mêmes dans des expérimentations de pratiques. Alors, cette activité d'expérimentation ou de test d'essai des agriculteurs, elle est reconnue depuis plusieurs décennies. Elle a été reconnue d'abord par les anthropologues, puis par les agronomes. Et à l'époque, ça portait surtout sur des essais de variétés ou de composition d'engrais. Et ce qui change avec l'agroécologie, c'est que les pratiques à expérimenter sont plus complexes et prennent du temps. Comment s'y prennent les agriculteurs concrètement pour expérimenter en agroécologie? C'était l'objet de mon travail de thèse. Alors, comment je m'y suis pris? À partir d'enquêtes approfondies chez 17 agriculteurs en grande culture et en maraîchage, dont la moitié était en bio en Drôme. J'ai modélisé leur activité d'expérimentation sur des thématiques comme le biocontrôle, l'utilisation de couverts végétaux, l'allongement de la rotation ou la réduction du travail du sol. L'originalité de ce travail, ça a été de considérer l'activité d'expérimentation à la fois sur le temps court et sur le temps long. Chaque année, en fait, un agriculteur, il peut mettre en place un essai sur un bout de parcelle, une parcelle entière, voire sur plusieurs parcelles, et il crée alors une situation expérimentale. Et cette situation, elle s'appuie en fait très souvent sur ce qui a déjà été expérimenté précédemment. Et c'est en étudiant en fait les liens entre plusieurs situations expérimentales qu'on peut alors reconstruire une sorte d'arbre évolutif de la pratique. Cette structure révélée, je l'ai appelée itinéraire d'expérimentation dans mon travail. Je vais vous donner un exemple pour y voir un peu plus clair. Un des agriculteurs que j'ai enquêté a commencé son itinéraire d'expérimentation sur les couverts végétaux en implantant une vesse après une culture de blé et avant un maïs, l'idée étant d'apporter au maïs de l'azote que la vesse, une légumineuse, aura fixé. Année après année, la pratique de ce couvert va évoluer. Le couvert, il est d'abord semé plus tôt parce que l'agriculteur, il cherche d'abord à optimiser le temps de développement de la vesse, puis d'autres espèces, en fait, vont être testées, parfois en mélange. Il va ajouter de la luzerne, du trèfle, du seigle, de la févrole. La pratique, elle va aussi être ensuite transposée à d'autres moments de la rotation. Non plus seulement entre blé et maïs, mais entre blé et soja, entre oignons et blé, puis entre deux blés. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que l'itinéraire d'expérimentation, il se ramifie avec à chaque fois des adaptations à faire sur la pratique et des nouveaux questionnements pour l'agriculteur. Alors, ce modèle d'itinéraire d'expérimentation, il est intéressant parce qu'il ouvre plusieurs perspectives. D'un point de vue théorique, il fait le lien entre l'apprentissage des agriculteurs, qui est important en agroécologie, et le changement technique et la reconception des systèmes. Et d'un point de vue plus opérationnel, ça peut aussi constituer un outil de suivi de réflexivité à partager, ben, par exemple, avec un accompagnateur pour revenir sur l'interprétation de certaines situations ou pour envisager la suite des essais avec l'agriculteur. Et enfin, c'est aussi un outil qui pourrait faciliter la mise en partage des connaissances que les agriculteurs développent, justement entre agriculteurs intéressés par une même thématique. Bon, merci. Merci beaucoup, Maxime Catalonia. Peut-être une réaction, Thomas Nem, à ce que vous venez d'entendre ces travaux en quelques mots ? Ce qu'évoque bien cette thèse-là qui vient d'être présentée, c'est le fait que dans les systèmes en bio, on doit piloter des écosystèmes qui sont relativement complexes. Et donc, on a besoin d'avoir des pratiques qui vont s'adapter aux conditions locales des écosystèmes, au sol, au climat, aux infrastructures et paysagères autour de la parcelle, etc. Et donc, finalement, les agriculteurs vont être repositionnés au centre du processus d'innovation. C'est-à-dire que c'est eux qui vont expérimenter dans leur propre situation, bien sûr accompagnés par des agronomes, des conseillers, etc. Mais ça va être eux qui vont être replacés au centre et qui vont produire des connaissances spécifiques à leur contexte pour répondre aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur parcelle. Marc Dufumier. Oui, ben cette incertitude liée aux itinéraires d'expérimentation, c'est quand même vrai que quand vous innovez en vous inspirant de l'agroécologie, on n'est pas sûr du résultat, hein, faut être très clair. Ceci étant, ces systèmes inspirés de l'agroécologie sont souvent plus diversifiés et à terme, il faut être très clair, les revenus comme les productions et le devenir de l'écosystème est plus résilient. C'est-à-dire qu'il arrive un accident climatique, ça ne repose pas que sur une production. Et du coup, finalement, l'incertitude aujourd'hui de notre agriculture, c'est quand même l'agriculture industrielle. Celle-là est d'une fragilité extrême, les revenus sont quand même extrêmement faibles, les écosystèmes sont fragilisés. Et là, nous avons de très grosses incertitudes, y compris sur notre santé. Marc Dufumier, pour conclure, puisque c'est cette agriculture conventionnelle ou industrielle qui est aujourd'hui la plus fragile, pourquoi autant de gens se maintiennent dans ce système d'agriculture-là ? Pourquoi est-ce que finalement tout le monde, une fois de plus, ne se convertit pas au bio ? Ben, y a les deux choses. Il y a le côté qu'il y a une révolution culturelle et une expérimentation avec... on flippe, comme on dit, au début. Et puis il y a deux choses, c'est que si ça exige plus de travail, ça va être correctement rémunéré, ça nous ramène à la qualité du bon produit, puisqu'il sera labellisé, et à la rémunération de services environnementaux. On n'y échappe pas, il nous faut une politique favorable à ce type d'agriculture alternative. Voilà, la balle est dans le camp des politiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette agriculture biologique. Merci Thomas Nem, merci Marc Dufumier. La journée continue, puisque tout à l'heure, le grain à moudre sera en direct du Salon de l'agriculture avec cette question, les animaux de la ferme sont-ils mal élevés ? Ce sera aux alentours de 18h20. Un mot pour vous dire que, comme tous les mercredis, c'est aussi le jour des idées claires. Aujourd'hui, le podcast que vous pouvez retrouver sur votre application de podcast favorite ou la vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux de France Info et de France Culture, avec aujourd'hui cette question malheureusement et dramatiquement d'actualité, pourquoi le mythe du complot juif existe-t-il et d'où vient-il ? Comment l'expliquer ? Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Léonore Pérez, Émilie Valla à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, après avoir fêté les 150 ans du tableau de Mendeleïev hier, c'est un autre anniversaire que nous fêterons demain, 150 ans également, celui de la revue fondée le 4 novembre 1869, 150 ans d'histoire des sciences, vu par le prisme de l'une des plus prestigieuses revues scientifiques. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.